remercie rapidement les organisateurs et notamment Julien avec qui j'avais eu des échanges. Et je vous signale qu'on va abandonner l'atmosphère. Ah oui, pardon. Donc, nous allons abandonner l'atmosphère enfumée des bouts de boissons, des estaminets, etc., pour passer au plein air d'un pique-nique et d'un repas champêtre. Alors, l'incroyable pique-nique du 14 juillet 2000, vous mettez incroyable pique-nique entre guillemets, avec une majuscule à incroyable. Donc, cet incroyable pique-nique du 14 juillet 2000 appartient à un ensemble de 5 événements conçus pour marquer le passage du 2e au 3e millénaire, qui se fit en réalité le 1er janvier 2001 et non pas le 1er janvier 2000. L'un, la réalisation de la méridienne verte est antérieure au 14 juillet 2000, date de l'automne 1999, mais je suis obligée d'en parler parce que sans la méridienne verte, l'incroyable pique-nique n'aurait pas existé. Donc elle est indispensable à mon propos. Sur les 3 autres événements, un seul relève de nourriture terrestre, le repas champêtre offert à des milliers de mères par le Sénat, repas champêtre qui prit le nom de fête de la Fédération. Les 2 autres événements accompagnent l'incroyable pique-nique, c'est l'incroyable relais, l'incroyable survol, mais comme ça ne parle pas de sociabilité alimentaire, je ne fais que les mentionner. Donc un premier propos assez rapide pour sur la méridienne verte. Donc, vous avez l'affiche de lancement de la méridienne verte. Réaliser la méridienne verte consista à rendre visible le tracé du méridien de Paris, qui a été supplanté comme méridien d'origine universelle par le méridien de Greenwich en 1884. Donc c'est une ligne imaginaire qui relie le pôle Nord au pôle Sud, et en France qui passe par Dunkerque, qui va jusqu'à Prats de Molo dans les Pyrénées-Orientales, qui passe par Paris et par un certain nombre de communes, comme nous allons le voir, sur une distance légèrement inférieure à 1000 km, exactement 955 km. Alors cette matérialisation du méridien se fit grâce à une ligne continue de 10 000 arbres, peut-être un petit peu plus, plantés à travers 8 régions, 20 départements et 337 communes, tout lieu traversé par le méridien de Paris. Alors, parmi ces 337 communes, figurent de grandes métropoles, essentiellement Paris, mais surtout des bourgs, voire de tout petits villages, le plus petit d'entre eux étant la commune de Thérolles, dans l'Aude, où vivaient 13 habitants en 2000, dont 6 regroupés dans le village lui-même et les 7 autres dans les hameaux entourant le village. La mission 2000 a été créée en 1996. La présidence en a été confiée à Jean-Jacques Ayagon. Et cette mission cherchait des projets pour marquer la fausse entrée dans le 3e millénaire. Et elle s'est adressée, entre autres personnes, au grand architecte Paul Chemetov. Et c'est Paul Chemetov qui a proposé cette réalisation de la méridienne verte, et assez vite, à l'idée de la méridienne a été associée l'idée d'une fête. Alors voilà comment Paul Chemetov présenta la méridienne verte dans l'Humanité du 6 juillet 1998, célébrer le siècle et le millénaire, c'est affirmer que nous avons habité le temps et que nous allons continuer à le faire, par-delà la finitude de chaque destin individuel. La mise en série des arbres, leur alignement, leur nombre, en ferait d'une nouvelle façon des arbres de la liberté qui, cette fois, si nous faisons le choix de la méridienne, parlerait à la fois de la mesure de l'espace et du temps. Paul Chemetov trouvait aussi extraordinaire que le chevelu, c'est une citation, que le chevelu des radicelles dans l'arbre emprisonne une motte symétriquement égale à la masse des feuilles, et il y voyait, écrivit-il curieusement, la vérification de la force du dicton sous la terre comme au ciel. Moi, je ne connais aucun dicton qui dise sous la terre comme au ciel, mais je connais le Paternoster, notre Père, qui dit, lui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a une modification de la phrase qui est assez amusante. Alors, Paul Chemetov rappela aussi le rôle des arbres dans les traditions populaires françaises et dans l'histoire de la France, et notamment, il mentionna la plantation des arbres en Normandie à la naissance d'une fille, et puis, bien sûr, les arbres de la liberté, on pourrait ajouter les arbres de l'armistice en 1918 et les arbres de la victoire après la Deuxième Guerre mondiale, sans oublier les arbres plantés par les écoliers. Alors à partir de 1998, des paysagistes secondaires Paul Chemetov, pour s'assurer de la possibilité de planter les arbres exactement sur le tracé du méridien. L'idée première, c'était d'avoir une ligne continue. Comme vous le voyez, cette feuille d'arbre, elle représente la France d'une manière schématique, et les points blancs représentent la ligne continue qui aurait dû exister. Mais, Chemetov et son équipe ont vérifié si on pouvait vraiment planter des arbres de manière continue. En fait, ça a été absolument impossible parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles matériels et humains, à commencer par l'opposition des gros céréaliers de la Beauce et de la Brie, qui n'ont strictement aucune envie qu'on vienne planter un chêne au milieu de leur champ de blé. Donc, en fait, on a une ligne. Voilà ce qu'aurait dû être la... Ça, c'est sur le site de l'INA, je crois. Voici ce qu'aurait dû être la méridienne. Et voici ce qu'elle a été. Ça, c'est la main de Paul Chemetov qui montre sur une carte. Vous voyez des points verts et puis vous voyez des espaces blancs qui ont forcément existé puisque là on n'a pas pu planter d'arbres sur des autoroutes, etc. Alors les plantations d'arbres qui ont été les arbres qui ont été retenus appartiennent à 5 espèces. C'est un cliché du monde. Les hêtres, les cèdres, les châtaigniers, les ifs et les chênes. Et les plantations se déroulèrent durant l'automne 1999, les premiers étant plantés, enfin, le 25 novembre 1999, parce que c'est la Sainte-Catherine, et que là, il y a un dicton, un vrai dicton cette fois-ci, qui dit « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Alors, la méridienne fut également marquée par... alors, voilà une plantation d'arbres. Là, je suis à... voyons voir, je suis, ben, peu importe, je suis dans, bon, peu importe, j'ai oublié, mais ce que vous remarquez, c'est la présence des enfants des écoles qui ont été tout à fait associés à ces plantations, et vous voyez que les arbres, alors c'était la même chose pour chaque arbre, pris entre trois petits poteaux, qui avait un blanc, un bleu, un blanc et un rouge. Alors la méridienne a été également marquée par la mise en place de bornes qui portaient le médaillon de la méridienne. Ces médaillons de la méridienne ont été conçus par un designer franco-suisse qui s'appelle Rudy Bohr. Alors Chemetov et ses équipes avaient eu une... qu'il ne faut pas confondre ces médaillons. Je ne suis pas encore allée traverser Paris pour repérer les médaillons quand ils existent encore. Il ne faut pas les confondre avec les médaillons Arago qui avaient été mis en place en 1994 pour remplacer la statue d'Arago. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, Chemetov et ses équipes avaient eu une autre idée. C'était de doubler la méridienne verte d'un sentier de grande randonnée. Ça s'est plus ou moins fait. Et de doubler la méridienne qui devait être vue du ciel. On devait, d'avion, voir une grande ligne verte. Et Chemetov et ses équipes ont trouvé que ce serait très joli si on pouvait doubler la ligne verte d'une ligne rouge de coquelicots. Alors, quand vous avez parlé de coquelicots agriculteurs, vous imaginez tout de suite quelle a été leur réaction. Donc, pas de ligne de coquelicots. Alors là-dessus arrive l'incroyable pique-nique. L'idée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée que la Méridienne verte devrait être un lieu pour une fête a émergé dès 1997, à l'idée d'ailleurs du géographe Yves Lacoste, qui a dit « arbre fête, ça va ensemble ». Et l'idée du pique-nique serait venue un petit peu plus tard, 1998-1999, je ne suis pas très sûre. En tous les cas, ce que je sais, c'est que le 14 septembre 1999, Lionel Jospin, lors de l'inauguration du jardin planétaire de la grande halle de la Villette, déclara « Nous fêterons une France, il parlait de 2000, nous fêterons une France du partage, c'est le sens de la Méridienne verte de Paul Chemetov. Sous les arbres plantés le long de la référence universelle que fut en son temps le méridien de Paris, traversant 337 communes, les Français seront invités le 14 juillet 2000 au plus grand pique-nique du siècle qui s'achève. Touche humoristique, la dépêche du 13 juillet 2000 rebaptisa le méridien de Paris, clin d'œil du méridien de Greenwich, le méridien du sandwich. C'est amusant. Alors, ces 337 communes étaient, je vous l'ai déjà dit, essentiellement des bourgs et des villages, ce qui donna à cette manifestation de sociabilité alimentaire un caractère rural très marqué. Alors, j'avais une longue interview du sociologue Michel Maffesoli, qui en juillet 2000 a été interrogé par le Monde, mais je pensais, parce qu'il faut qu'on aille vite, je reviens quand même sur une question qui lui a été posée à propos de la date du 14 juillet, parce que bien sûr, mettre le pique-nique sur la Méridienne verte le 14 juillet, c'est pas anodin. Donc on demande à Maffesoli, c'est un journaliste du Monde qui s'appelle Emmanuel Deroux, qui a traversé toute la France sur le long de la Méridienne verte, un petit peu, enfin pendant, ça lui a pris 3 semaines, je crois, en partant à la fin du mois de juin. Donc, on interroge Maffesoli sur cette date, et il dit « Désormais, tout est bon pour faire la fête. Le sport et la musique servent de prétexte à ce débridement collectif qui s'est exprimé lors de la Coupe du Monde de football. » Les loves ou techniques parades, jusque y compris dans les grands rassemblements religieux. Bon, on le réinterroge. Et alors, le 14 juillet, est-ce que ça va faire de ce pique-nique un moment d'exaltation des valeurs républicaines? Et il répond, certains insisteront sur cet aspect, moi, non. Le peuple ne pense plus vraiment aux valeurs républicaines. Mais il a besoin d'un prétexte pour se rassembler. On ne peut pas être ensemble pour être ensemble. Le 14 juillet, c'est un bon moment de légitimité, j'adore la suite, pour assouvir cette curieuse pulsion qui pousse à se coller à l'autre, j'appelle cela la viscosité sociale. Ce n'est pas verbalisé ni conscient, etc., etc. Alors on pourrait penser que ce pique-nique fut facile à organiser, puisqu'en principe, chaque participant était censé apporter son propre panier repas. Cependant, la mission 2000 voulut marquer le caractère collectif communautaire de ce pique-nique. Alors, le marquer comment ? Là, voilà. Le marquer par l'usage d'une nappe dont là, vous voyez des morceaux, ça, on est sur la grande esplanade qui part du Luxembourg et qui remonte vers Port-Royal. C'est un cliché iconique de je ne sais plus quel photographe qui est conservé à la BNF et qui a servi de couverture à un livre consacré à un récit sur ce pique-nique. Mais je mettrai tout ça par écrit. Alors la mission 2000 fut fabriquée par l'usine Lotus de Gien, 650 km d'une nappe plastifiée en cellulose, à carreaux blancs et rouges, avec un certain nombre d'inscriptions sur les communes traversées, etc., etc. Et chaque ville traversée, chaque commune traversée, a reçu une longueur de nappe en fonction de la population ou du nombre de gens attendus. Il y a eu 12 km de nappe qui ont été distribués à Paris, et là, vous avez ces petits morceaux de nappe qui sont découpés. Alors, si des communes laissèrent les pique-niqueurs se débrouiller et s'installer par terre, alors voilà des... Vous voyez, là, vraiment, donc on a de plus grands... Je ne sais pas bien ce que vous voyez ou vous voyez pas. Donc, c'est partout la même scène, partout des morceaux de nappe, souvent posés par terre. Donc là, j'ai pris exprès un cliché du nord de la France, près de Dunkerque, un cliché du sud à l'extrême pointe du méridien en France, qui est le Prats de Molo, et puis voilà, un cliché sur le pont des Arts à Paris. Il paraît que les touristes étaient absolument, américains et japonais, étaient absolument ravis d'assister à ce spectacle. Donc il y eut pas mal de communes qui laissèrent les pique-niqueurs se débrouiller et s'installer par terre, mais d'autres se préoccupèrent du confort des convives en installant des tables et des bancs et firent concocter des paniers repas par des traiteurs. D'autres organisèrent un marché présentant les produits régionaux ou bien encore firent rôtir un animal. Par exemple, une génisse fut mise à la broche au chauchet dans la Creuse et un bœuf gras du Limousin subit le même sort à Ussel en Corrèze. À Belcastel, dans l'Aveyron, la commune remit en activité son très ancien four pour offrir aux convives du pain chaud et croustillant tout au long du repas, ainsi que des tourtes et des fougasses élaborées selon les anciennes traditions. Surtout, les communes organisèrent mêmes activités récréatives ou culturelles, correspondant parfois aux traditions locales. Ainsi, à Rakinem, dans le Pas-de-Calais, un pigeonnier fut spécialement construit et on lâcha 2000 pigeons. À Trénia, point de rencontre entre les relayeurs qui étaient partis de Dunkerque et ceux qui étaient partis de Prats de Molo, fut aménagé un labyrinthe de maïs occupant 8 hectares. Il y eut des centaines de propositions diverses, des concerts, des visites de monuments, de sites archéologiques, des concours de boules, des promenades à cheval, des jeux aquatiques, le lancement d'une montgolfière. Enfin, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et vous avez deux journaux, enfin peut-être plus d'ailleurs, qui ont proposé un guide de toutes les activités sur le long de la Méridienne. Il y a eu un guide dans Libération et un guide dans Le Monde du 14 juillet. Donc Le Monde est antidaté toujours, hein, donc dans Le Monde du 14 juillet, il y a un petit cahier format réduit par rapport au format du Monde, de 16 pages, si je me souviens bien. Je passe. On avait tablé sur 4 millions de convives au minimum. On estimait entre 4 et 7 le nombre de convives attendus dans ces 337 communes. Et des communes peu peuplées tentèrent d'allécher le chaland. Alors, par exemple, dans le Cher, la municipalité de la chapelle Saint-Ursin, 3193 habitants en 1999, lança une invitation à toutes les communes de France dont le nom commençait par la chapelle quelque chose. J'ai fait le décompte sur un code postal, j'en ai trouvé 184 communes dont le nom commence par la chapelle, situées dans 54 départements, pratiquement tous en dehors du tracé de la Méridienne, bien évidemment. Alors, par ailleurs, des entreprises qui avaient soutenu les activités liées à la Méridienne verte, et notamment l'incroyable survol avec des avions, des montgolfières et l'incroyable relais, envoyèrent de manière contrainte ou pas, je n'en sais rien, des employés pour aller sur le site de la Méridienne. Alors, par exemple, l'Union financière de France Banque envoya des employés de Nice, d'Aix-en-Provence et de Marseille dans le Cantal. À Paris, peut-être ailleurs aussi, les compagnons d'Emmaüs firent en sorte que les plus démunis puissent être de la fête. 300 repas gratuits leur furent servis au parc Montsouris. L'Humanité publia un reportage sur ce grand parc du 14e arrondissement de Paris et donna la parole aux compagnons d'Emmaüs. Nous avons décidé de nous associer à ce pique-nique parce qu'il est convivial et citoyen. Et puis, nous voulons que les personnes dans la précarité soit associé à ce grand mouvement qui traverse la France. Mais un bénévole ajoute aussitôt, tout le monde est le bienvenu, ce n'est pas la nappe des exclus. Dans le même parc, l'association Autisme 75 installe à tout pour 75 enfants autistes. Mais dans de très nombreux endroits, tous ces beaux plans tombèrent à l'eau, c'est le cas de le dire, parce que... Alors, parce que... Ah, c'est plus loin. Excusez-moi, j'ai un peu mélangé mes photos. Voici la carte de la météo de Paris, le 14 juillet 2000. La grande tache noire que vous voyez au milieu, c'est la carte météo de la France, le 14 juillet 2000. Dans certains endroits, il y eut des trempes d'eau épouvantables. Donc, on atteignit malgré tout le nombre de 2,5 millions de participants. Bon, comme vous l'avez vu, dans certains endroits, on a vu, donc là on est dans la Creuse, les pique-niqueurs. Ceux-ci ont la chance d'avoir une table et des bancs, mais vous voyez, ils mangent sous un parapluie. De nombreuses communes parvinrent à abriter les pique-niqueurs dans une salle des fêtes ou sous un chapiteau. Mais d'autres, démunis de ce type d'infrastructure, durent purement et simplement tout annuler. Dans le Cantal, il y avait 21 communes concernées par l'incroyable pique-nique. Il y en a eu 2 sur les 21 qui durent tout annuler. Alors, parallèlement à cela, se tint la fête de la Fédération au Sénat. C'est en fait un repas champêtre. Christian Poncelet, président du Sénat, invita tous les maires de France avec leurs conjoints ou leurs conjointes. Alors à cette invitation répondirent 11, suivant les journaux que j'ai consultés, 11 000, 12 000 ou 13 000. Il y a un dossier que je ne suis pas encore allé voir aux archives du Sénat sur cette fête de la Fédération. J'aurais peut-être un nombre plus juste. Alors, après avoir assisté au défilé militaire sur les Champs-Élysées, ces milliers d'édiles furent amenés au Luxembourg par des noriats d'autocars. Ceints de leur écharpe tricolore, ils se restaurèrent